Salut à tous et à toutes, c'est Génération Manga, épisode 503. Et nous sommes là. Alors, je ne vais pas vous parler donc du CD Génération Dorothée qui est enfin sorti et que j'ai constaté que tout le monde a acheté n'écoutant pas mes conseils. Donc voilà, hein, donc ça sert à rien que je m'époumonne à vous dire que c'est pas bien parce que vous m'écoutez pas, vous l'achetez quand même. Tant pis pour vous, hein, c'est bien fait. Hein, moi, j'enlève toute responsabilité, j'y suis pour rien. Si vous voulez pas vous plaindre après. Hein. Alors bon, si on se posait quelques petites questions par rapport à ce CD, parce qu'il y avait marqué par exemple la chanson de Shera, donc on aurait pu avoir de doutes sur s'agissait-il de J'ai le pouvoir. Oui, c'est bien J'ai le pouvoir qu'il y a dessus, il n'y a pas de problème, ce n'est donc pas la phase B, hein, on est d'accord. Bon, c'est toutes les vraies versions, hein, pas de cover à signaler apparemment, ils ont bien acheté les droits, tous les machins, tout ce qu'il fallait bien. Les maîtres de l'univers qui sont indiqués, il s'agit bien entendu, comme on pouvait s'en douter, du grand Musclor, hein, dans le prince d'Eternia, donc voilà. Et puis c'est tout, hein. Et puis voilà, ne l'achetez pas, hein, si vous l'avez pas déjà fait, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc par contre, je suis tombé par hasard dans un cache sur une compilation dont j'ignorais totalement l'existence. Pourtant apparemment il y a eu une pub télé à l'époque, c'est marqué. Ça s'appelle Spécial Hit TV Cartoons volume 3. Donc apparemment il y a eu deux autres volumes en toute logique, hein. Ça paraît assez. Et donc sur la jaquette vous voyez Ville Coyote en train de manger un CD. Alors sur ce truc là il y a des trucs un petit peu bizarres, donc c'est des compilations, il y a essentiellement des séries américaines, mais sûr ce sont des covers à chaque fois, des fausses versions, hein, vous savez. Pourtant c'est Flarenash qui fait ça. Dance Power Dance, le logo, je sais pas pourquoi. Alors je vous propose tout de suite qu'on découvre ensemble donc quelques plages de ce mystérieux CD. Voilà, c'est distribué par Musidisc. Et parmi donc toutes ces sortes de choses, ce qui est le plus proche de notre consommation courante, nous autres à Génération Manga, c'est donc les mondes engloutis, donc où il y a une version, donc c'est pas la vraie, hein, ce sont que des covers, on est d'accord, hein. D'ailleurs c'est même écrit dessus, tu vois, comme quoi ils s'en cachent pas, il y a bien marqué cover par CD Ephemerboard by Comptown. Donc une petite curiosité, je ne sais pas si vous-même dans votre collection vous avez qui traîne les cartoons volume 1 et 2, voire 4 ou plus, je sais pas jusqu'à où c'est allé ce machin là. Je vais essayer de me rencarder pendant ce temps. Donc on va s'écouter tout de suite donc cette version des mondes engloutis. On va découvrir ensemble parce que moi j'ai juste jeté une oreille discrète vite fait pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et donc je profite de partager avec vous cette expérience musicale, si on peut dire. Alors voici les mondes engloutis, donc issus de cet album. On va voir ce que ça donne. C'est parti. De la univers, enfin suis les mondes engloutis. Vous avez vu, c'est bizarre, hein, c'est bizarre, ouais. C'est une curiosité, hein. Bon, alors, on n'est pas trop fan, hein. Enfin, moi, je suis pas trop fan. Je ne sais pas, vous pouvez m'en dire plus, hein. Mais on va continuer à découvrir, donc, ce mystérieux CD avec la plage suivante qui nous intéresse un peu plus ici. Puisque c'est Croque Vacances. Croque Vacances, d'ailleurs, qui sera un des prochains CD de nos amis de Télé 80. Donc voilà, donc une version aussi de Croque Vacances un peu space. Et puis, on se retrouve juste après à avoir écouté cette nouvelle curiosité. Ah ouais, c'est un peu particulier, hein, comme vous voyez, c'est spécial, c'est spécial. Hein. Bah, ouais. Au moins, j'ai le mérite de vous avoir jamais passé ces trucs-là, parce que j'avais pas. Alors, j'ai beau faire des recherches pendant que vous écoutez, moi, je fais mes petites recherches sur Internet, et Google est ton ami. Hein. Et ben, bah, y a pas un pet de trace de ce CD. Hein. Je le trouve absolument pas. Je trouve pas non plus les deux premiers. Alors, je ne sais pas si vous êtes plus fort que moi sur ce coup-là. Mais voilà. Alors, on va continuer dans les trucs un petit peu civilisés. Alors, je vous dis pas ce que c'est, tiens. On va voir à partir de quel moment vous reconnaissez. Parce qu'il faut bien reconnaître que les débuts des chansons, on voit pas du tout ce que ça peut être. Alors, celle-là, je vous la mets, je vous dis pas ce que c'est. Et on va voir au bout de combien de temps on arrive à deviner ce que ça peut petit bien être. Allez, c'est parti. Allez, on monte sur le dance floor. Et ce soir, sur Génération Manga, c'est la folie, ouais. Avec Zoro, le justicier masqué, et son cheval, le Tornado, toujours prêt à lutter contre le sergent Garcia. C'est DJ Eddie qui est là ce soir. Regardez la plage suivante, je vous dis rien. Allez, ouais, on monte sur le dance floor et on danse, Allez, ce soir, c'est la fête à Génération Manga. Ouais, c'est génial. Tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika, tell me, Tanika nicotine, tourning, tournicotant. C'est lui qui a le cri du réveil des chansons. Le bas des gens chantés. Tournicoton, et on enchaîne sur la suivante, toujours dans le même délire. Ouais, ouais, stop, dit ma groove, c'est parti. Après tournicoton, on reste dans le manège enchanté avec le chien le plus sucré. Manège enchanté. C'est moi, Pollux. Un petit peu snob, mais pas snob de luxe. Je préfère mon sucre à Havane. J'aime le disque du père Pivoine. Ouais, bah pas moi. Hein. Donc vous voyez, c'est un petit peu spécial. Hein. Donc là, je vous ai fait en fait les derniers titres de l'album. Maintenant, nous allons retourner en arrière et nous allons recommencer à zéro pour arriver à raccrocher les wagons. Alors, le premier truc, c'est un peu spécial, c'est Pinocchio The Return. Alors, je vous laisse découvrir parce que là, pour le coup, je ne vois pas à quoi ils font référence. Je ne sais pas si c'est une émission. En tout cas, ça ne me parle pas du tout. Il y a un autre titre aussi plus loin qui ne me parle pas du tout et peut-être va vous parler à vous. Donc, Pinocchio The Return, le retour de Pinocchio sur le dance floor, c'est maintenant. Et... Apparemment, je suis. Il y a un petit problème. C'est que ça n'a pas rembobiné. Donc là, c'est ça, la Pinocchio The Return. Sorry, don't sorry, very, c'est ça. Faudrait que ça commence, c'est un peu mou là pour l'instant. D'accord. Ouais. Nanananananana. Bon, bah, je vais chanter dessus parce que là on s'ennuie. Hein. Wow. Bah écoute, le retour de Pinocchio, je sais pas ce que vous en pensez, mais... D'accord, bah écoute, on va passer à la suivante, moi je dis. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Allez, on va voir si vous reconnaissez ce truc-là. Le message s'autodétruira. Département d'État n'ira avoir une conscience de vos enregistrements. J'en profite pour vous dire que j'ai vu le dernier Mission Impossible, là, Rogue Nation. Il est sympa, mais un peu moins bien que le précédent, Protocole Fantôme. Voilà, pour la petite histoire. Allez, on passe à une autre plage et un autre mystère dans le Far West. Autant pour moi, ça c'est Magnum. J'ai confondu avec la plage d'après. Tan tan tan tan tan. Donc vous l'avez compris, là on est quand même dans une section série américaine des années 80. Tan tan tan tan tan. C'est ça que je voulais en venir. Les mystères de l'Ouest. Alors la suivante, c'est une que je connais pas, c'est Peter Gunn. Alors c'est souvent sous les compiles, mais moi je connais pas du tout cette série. Alors je ne sais pas. Ça vous parlera donc sûrement pas, j'imagine. Hein. Je connaissais la musique en fait, mais bon. Alors maintenant on va passer plutôt à une émission des années 80 aussi qui est remixée machin comme ça. C'est les animaux du monde. Eh oui. Ça risque d'être bizarre avec les sons d'animaux là. Un peu spécial cette compilation, hein, vous reconnaîtrez. Hein. C'est rare, on la trouve pas, mais on la cherche pas en même temps. Je raconte pas la ménagerie avec ce truc-là. Allez, un truc peut-être un peu plus connu, puisque c'est le Muppet Show, voilà. Muppet Show. Alors on reste toujours dans les trucs bien gnangnan, bien naze, avec la suivante. Oh, oh, oh. Bonne nuit les petits. Je sais pas, c'est censé être de la dance, c'est censé un peu se bouger là, faudrait se réveiller les enfants. Alors le truc après, c'est encore un truc que je connais pas. Alors je sais pas d'où ça sort. C'est la polka des amoureux. Alors ça s'invente pas ce machin là. J'ai peur. Vous avez peur. Vous avez bien raison. Hein. On voit ce que ça donne. Bon, on s'ennuie. Hein. Allez, votre souffrance est presque terminée. Il n'y a plus qu'une seule plage à se farcir. C'est l'Eurovision. Eh, c'est l'Eurovision, mon ami. Voilà. Oh là là, ah, c'est une expérience hein, quand même que d'écouter ce CD. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de ne pas le trouver. Là, pour le coup, là, je suis sûr de mon coup. Là, celui-là, je sais que vous n'avez pas acheté. Déjà, vous n'avez pas le trouvé, déjà, pour commencer. Donc, ça sera réglé. Bon, allez, parlons de choses un petit peu plus intéressantes. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre. Et le 7 décembre, c'est quoi? C'est l'anniversaire du grand comédien, du cultissime Richard Darbois. Et Richard Darbois, forcément, vous le connaissez parce que c'est la voix d'Harrison Ford. C'est la voix de Buzz l'éclair. C'est la voix du génie dans Aladdin. C'est la voix d'Albator, la première voix d'Albator dans Albator 78. Hein. C'est la voix aussi de... ne me dites rien, je vais pas répéter. De Dan Aykroyd dans SOS Fantôme, de Danny Glover, avec la voix un petit peu... Hey, c'est ça que je suis trouvé pour ces conneries. Parce qu'il module bien sa voix aussi, Richard Darbois. Il a même fait quelques Stallone. Eh, parce que bizarrement, des fois, Stallone, c'est pas Alain Dorval qui le double, des fois, c'est Richard Darbois. Comme dans Tango et Cash, par exemple, ou dans L'Expert. Bizarrement, il y a quelques fois où c'est pas lui. Et donc, il a fait Jeff Goldblum aussi, Richard Gere. Enfin, il a fait des tonnes et des tonnes, Richard Darbois. C'est obligé. Et puis, c'est la voix aussi de Energy. Manana, qui fait toutes les voix et tout ça. Il doit, je crois aussi qu'il commente le truc. Un dîner presque parfait, ce genre de conneries là. Donc voilà, bon, enfin, j'ai dû écouter vite fait en zappant, hein, parce que vous savez très bien que c'est pas ma tasse de thé, ce genre de programme. Donc voilà, voilà, voilà. Bon allez, maintenant on va s'écouter peut-être des trucs un petit peu plus sympatoches, hein, histoire de se remettre de toutes ces émotions musicales assez douteuses. Alors je vais vous mettre des versions de je sais pas quoi, je n'ai pas décidé. Voyons, voyons, voyons, qu'est-ce qu'on va se mettre de bien? Un truc qu'on pourrait chanter ensemble et qu'on pourrait faire sauter la baraque. Ah oui, oui, alors j'ai une petite information, tiens, on va profiter pour le coup, c'est que le mois prochain, il va y avoir une nouveauté qui va sortir en DVD, il s'agit de Shin Mazinger. Alors, c'est une série remake de Mazinger Z, bien sûr, le prédécesseur de Goldorak, vous savez tout ça, piloté par Alcor. Et donc, Shin Mazinger, c'est sympa, c'est bien, bon, ça a quelques années, c'était il y a 2-3 ans, voire plus en arrière, mais c'était vachement bien. À ne pas confondre avec Mazinger SKL, qui est une autre série aussi récente de Mazinger, mais qui n'est pas encore décidée à passer en France, on verra bien. Donc voilà. Donc, sachez qu'il va y avoir donc, du Mazinger Z chez Kazé, donc ça veut dire cher, mais bon, tel est les... qu'est-ce que vous voulez. Et donc, ça me donne l'idée de vous chanter donc, la chanson de Mazinger Z, donc, qui a été passée 10 ans après Goldorak sur M6, à l'époque où c'était la petite chaîne qui montait, et donc où personne n'avait ou presque la chaîne. voilà, Mazinger Z, c'est parti, mon kiki. Mazinger! La galaxie en danger se prépare. Les ennemis sont prêts pour la bagarre. Ils arrivent en force, plus vite que l'éclair. Bardés d'acier dans leur super laser. Mazinger, Mazinger, Mazinger Z. Rétrofusée, la planète en danger. Accélérée, il faut la libérer. Victoire totale à tous nos héros. Piloté par l'intrépide Koji, Mazinger peut relever le défi. Nous sommes prêts au combat sidéral, mais nul ne sait pour qui il sera fatal. Mazinger, Mazinger, Mazinger Z. Rétrofusée, la planète en danger. Accélérée, il faut la libérer. Victoire totale à tous nos héros. Sauver la terre de l'infâme Docteur Hell, qui veut la guerre brandissant l'étincelle. De vertigineux abordages dans l'air, mais autour de l'étau se resserre. Mazinger, Mazinger, Mazinger Z. Rétrofusée, la planète en danger. Accélérée, il faut la libérer. Victoire totale à tous nos héros. La galaxie en danger se prépare. Les ennemis sont prêts pour la bagarre. Ils arrivent en force, plus vite que l'éclair. Bardés d'acier dans leur super laser. Mazinger, Mazinger, Mazinger Z. Rétrofusée, la planète en danger. Accélérer, il faut la libérer. Victoire totale à tous nos héros. Rétrofusée, la planète en danger. Accélérer, il faut la libérer. Victoire totale à tous nos héros. Alors, autre information aussi, c'est que le manga de Mazinger Z, qui est à la base de tout, va sortir chez nos amis de Black Bones. Là, pour une fois que les Ulule, les compagnies, ça sert à R une bonne cause, on va pas buter notre plaisir. Donc, Dieu merci, tous les mangas de base de Go Nagai sortent en français chez Black Bones. Donc, Mazinger Z, on l'avait toujours pas eu, sauf partiellement un petit extrait qui était vendu à l'époque avec la VHS du crossover Goldorak Mazinger, oui, ça, je dis pas de bêtises. Où il y avait un court extrait du manga et puis un truc dossier fiche technique. Donc il y avait jamais eu Mazinger Z, donc alors que c'est quand même un fleuron du manga, il faut quand même l'avoir en français. Donc voilà, Mazinger Z, ça va sortir en manga intégralement. Il y a pas beaucoup de tomes, hein. Mazinger Z, ça a pas fait beaucoup de machin. Hein. Bon, après ils ont fait d'autres versions parce que vous savez qu'avec Go Nagai c'est toujours un bordel. Il y a toujours le manga de base et puis après il y a d'autres mangas qui ont été faits suite à la diffusion de la série télé. Donc c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, mais bon, là celui qui va sortir c'est celui de base qui est à l'origine de tout. Et oui, parce que Go Nagai avec Mazinger Z, il a inventé le premier robot piloté de l'intérieur. Parce qu'avant, il y avait donc Astro, le petit robot, qui était un robot vivant. Il y avait Tetsujin 28 qui était téléguidé à distance par un petit gamin. Et donc, Mazinger Z, c'était le premier où tu avais le pilote qui était franchement dedans. Qui était dans un petit vaisseau qui se mettait dans ce crâne et dans son crâne. Et littéralement, ça faisait le cerveau de Mazinger Z. Et oui. Alors après, il y a eu un autre concept sur une autre série qu'on a vu partiellement au Club Dorothée, Dan Cougar, où en fait, les vaisseaux se nourrissent de la rage et de la haine du pilote. C'est-à-dire plus le pilote est furax et plus il déclenche la vague d'énergie de Dan Cougar. Donc il est formé par plusieurs animaux, hein. Il y a un mammouth, il y a un lion, une panthère et un aigle. Et bien sûr, ça fusionne tout ça pour faire le grand Dan Cougar. Mais on l'a jamais vu, le grand Dan Cougar, parce qu'en fait, le Club Dorothée, il a craqué juste au moment où il commençait à apprendre à faire le gatai, c'est-à-dire l'assemblage pour obtenir le robot. Et après, on n'a pas eu le reste. Merci, Club Dorothée. La malédiction des robots géants. Voilà. Enfin, Dan Cougar, c'est chanté par Jean-Paul Césari et ça a des faux airs de la chanson de Five Man. Il s'était pas foulé, ça ressemble pas mal les deux. Hein. C'est parti. Dan Cougar, les carrés de l'espace. Dan Cougar, aux ennemis font face. Pour sauver l'espoir et l'amitié, l'amour et la liberté. Dan Cougar, contre tous les méchants. Dan Cougar, ils s'en vont vaillamment. Pour qu'enfin s'en trouve le chemin vers le monde de demain. Et quels que soient les dangers qu'ils devront affronter, ils sauront faire triompher amour et liberté. Dan Cougar, les cadets de l'espace. Dan Cougar, eux jamais feront face. Sauver l'amour et l'amitié, l'amour et la liberté. Dan Cougar, au péril de leur vie, dans le noir contre les ennemis, ils s'en vont avec au fond du cœur le courage des vainqueurs. Ils ont la force de croire que viendra la victoire. Sur les chemins de la gloire, triomphe Dan Cougar. Dan Cougar, rien ne saura jamais. Dan Cougar, les faire renoncer à se battre pour préserver la terre des dangers de l'univers. Dan Cougar, les cadets de l'espace. Dan Cougar, à jamais ils font face. Pour sauver l'espoir et l'amitié, l'amour et la liberté. Alors ça avait inspiré une parodie à un pote qui disait Dame Cougar. Dame Cougar. Après je vous laisse faire le reste des paroles hein, si ça vous inspire, n'est-ce pas? Allez, une nouvelle chanson. Alors là pour le coup, c'est bien mignon là sur le CD. Ils auraient pu mettre celle-là parce qu'elle est inédite en CD, c'est bien dommage parce que le disque est en plus super rare à trouver alors que la chanson est vachement bien. C'est inspiré de la version originale No Guts No Glory. Donc des Galaxy Rangers. Voilà, donc c'est parti mon kiki Galaxy Rangers. Très loin dans le futur, au milieu des galaxies, des ennuis les attendent vers le clair-obscur. Dans tous ces mondes aux mille dangers inconnus, si rapides ils sont tous là, les cavaliers du ciel. Galaxy Rangers, nouveaux mousquetaires, un pour tous, tous pour un, un peu comme des frères. Galaxy Rangers, nouveaux mousquetaires, ils se battent pour sauver l'honneur. Galaxy Rangers. Il y a le coup de laser qui font trembler l'univers, comme des dieux des héros qui arrêtent le chaos. Dans tous les mondes, ils gagnent les plus durs combats. À la peine, ils sont tous là, les cavaliers du ciel. Galaxy Rangers, nouveaux mousquetaires, un pour tous, tous pour un, un peu comme des frères. Galaxy Rangers, just. Au péril de leur vie, objectif le danger, chasser l'ennemi. Dans tous les mondes, aux mille dangers inconnus, si rapides ils sont tous là, les cavaliers du ciel. Galaxy Rangers, nouveaux mousquetaires, un pour tous, tous pour un, un pour comme des frères. Alors on retrouve notre ami Jean-Paul Césari. Césari nie de son vrai nom, hein, il a raccourci le nid à la fin pour faire son nom d'artiste, hein, voilà. Dans une chanson moitié connue, on va dire, parce que c'est la deuxième générique. Alors le premier est toujours un peu plus connu forcément, mais le héros est tellement connu que qu'est-ce que vous voulez mon petit garçon? Je vais pas vous dire qui c'est, hein, c'est parti. Dans la folie de la grande ville, il n'a pas la vie belle. Dès qu'une mission est difficile, c'est lui que l'on appelle. Son prénom c'est Nicky et son nom c'est Larson. Nicky Larson ne craint personne. Nicky Larson, son nom résonne quand une affaire le passionne. Comme un éclair, il tourbillonne. Nicky Larson ne craint personne. Jamais, jamais, il n'abandonne. Devant lui, les méchants frissonnent. Son amitié, il nous la donne. même s'il se bat contre le crime. Et la nuit et le jour, il préfère à toutes les primes. Une belle histoire d'amour, son prénom c'est Nicky, et son nom c'est Larson. Nicky Larson, ne crains personne, Nicky Larson, son nom résonne. Quand une affaire le passionne, comme un éclair il tourbillonne. Nicky Larson, ne crains personne, jamais, jamais il n'abandonne. Devant lui les méchants frissonnent, son amitié il la donne. La seule faiblesse du gentil Nicky, c'est quand une jolie fille lui sourit. Nicky Larson, ne crains personne, Nicky Larson, son nom résonne. Quand une affaire le passionne, comme un éclair il tourbillonne. Nicky Larson, ne crains personne, jamais, jamais il n'abandonne. L'amitié, il se passionne, c'est à jamais qu'il nous la donne. Nicky Larson, ne crains personne, Nicky Larson, son nom résonne. Quand une affaire le passionne, comme un éclair il tourbillonne. Nicky Larson, ne crains personne, jamais, jamais il n'abandonne. Et oui, il n'abandonne jamais Nicky Larson. Il va y avoir un nouveau dessin animé de Nicky Larson qui va sortir. Donc un téléfilm, hein, vous excitez pas, c'est pas une série. Mais il y aura un nouveau téléfilm qui va sortir tantôt au Japon de Nicky Larson. Donc il est toujours au taquet, notre ami Nicky. Alors maintenant, une œuvre française. Ok, avec tout ce que ça inclut, hein, vous savez ce que... Hein, pas besoin de faire des ça. Mais la chanson est sympa hein, quand même. Allez, Molierissimo. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Moliérissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. Des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis polichinelle couronnée par la gloire. Abri abattu, qui voilà, c'est lui, c'est d'Artagnan. Un coup d'épée suffira pour chasser les mirants. Du roi soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molierissimo. J'ai dormi dans la paille ou dans un tonneau. J'ai connu Versailles et de château. Quand un bourgeois joue les maris, il s'achète un grand nom. Molière dans ses comédies le transforme en dindon. Dans le rapport, les trois coups et ouvrons le rideau. Maintenant la masse à l'urance où les rires et les bravos. Quand un apprenti magicien veut devenir comédien, il n'y a qu'un seul mot, Molierissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière il fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient de galop. Du roi soleil, mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, Bellissimo. Oh, et voilà, et voilà, et voilà. Alors, vous savez que moi, je ne lâche pas l'affaire. Parce que le CD avec les inédits d'Abbé, je le veux et je l'aurai. Donc en ce moment, on est en train de vous préparer un coup, les enfants. Alors je ne dis rien parce que je ne veux pas m'avancer. Mais si ça marche, on l'aura ce CD. Je ne promets rien, mais sachez que nous sommes en train d'y travailler. Donc voilà. Et donc dessus, il y aura donc les inédits. Pour vous dire, j'ai fait une liste de 40 titres, les gars. Alors attention, hein, avec 30 inédits et 10 qui n'ont jamais été sur support CD. Donc des face B, des trucs rares et de compagnie. Alors attention, ça va être chaud les marrons chauds. Et parmi cette sélection, nous avons le grand Sherlock Holmes, face B de Sherlock Holmes, interprété par notre ami Bernard Minet. Et voilà. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. Sur la piste du crime, c'est lui le plus fort. Le recours ultime, l'homme des records. Pas une seule énigme, parole d'homme, qui ne résiste au grand Sherlock Holmes. Un voir à droite, un regard à gauche, une manœuvre à droite que y a anguille sous roche. Travail progressif, indice décisif, c'est élémentaire mon cher Watson. Dès qu'un malfaiteur lève le petit doigt, dans la demi-heure, il est déjà là. Toujours à pied d'œuvre, c'est ça en somme qui fait qu'il est le grand Sherlock Holmes. Un regard à droite, un regard à gauche, une manœuvre à droite, il y a anguille sous roche. Travail progressif, indice décisif, c'est élémentaire mon cher Watson. Monde entier envie sa malice, son habileté. Dès qu'il entre en piste, il faut voir comme il se débrouille le grand Sherlock Holmes. Un regard à droite, un regard à gauche, une manœuvre à droite, y a anguille sous roche. Travail progressif, indice décisif, c'est élémentaire mon cher Watson. La piste du crime, c'est lui le plus fort. Le recours ultime, l'homme des records. Pas une seule énigme, parole d'homme, qui ne résiste au grand Sherlock Holmes. Un regard à droite, un regard à gauche, une manœuvre à droite, y a anguille sous roche. Travail progressif, indice décisif, c'est élémentaire mon cher Watson. Un regard à droite, un regard à gauche, une manœuvre à droite, y a anguille sous roche. Travail progressif, indice décisif, c'est élémentaire mon cher Watson. Voilà, et on se quitte, et à la semaine prochaine, et ce sera pas à Darf Darf, Nigo.